m'aimer comme ça. Je t'aime, je t'aime. Reste auprès de moi. J'ai le cœur qui tremble. Oh, restons assis. Rien que d'être ensemble, nous quittons.